الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، continue la lecture et la traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، un livre de الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى et une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله تعالى. Lors du dernier cours, on avait expliqué les deux hadiths sont de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le hadith 186 et le hadith 187, qui sont tous deux des hadiths extrêmement courts, donc extrêmement faciles à apprendre. Qui d'entre vous l'a appris? Personne. Hafidhahu. Taïb, on va mettre ça sur le compte de la longue interruption qu'il y a eu des cours. Donc, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, avant de commencer le cours de Taïsir al-Allam, il faudra, en plus des hadiths qui auront été expliqués aujourd'hui, apprendre les hadiths 186 et 187. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 88 بعد المئة. Donc on entame aujourd'hui l'explication du 188e hadith. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. رواه مسلم. Le 188e hadith. Selon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, il dit, un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, ô envoyé d'Allah, ma mère est décédée et elle devait jeûner un mois. Dois-je le rattraper pour elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, si ta mère avait une dette, la rembourserais-tu pour elle? Il a répondu, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, la dette d'Allah et plus à même à être remboursé. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Et dans une version, une femme est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, ô envoyé d'Allah, ma mère est décédée et elle avait un jeûne dû à un vœu. On a dit que le vœu, un nadh, c'est le fait de s'obliger une chose qui à la base n'est pas obligatoire. Donc cette femme a fait le vœu de jeûner pour Allah Azza wa Jal. Et par ce vœu, ce jeûne est devenu une obligation pour elle. Ma mère est décédée et elle avait un jeûne lié à un vœu. Dois-je jeûner pour elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ta mère avait une dette et que tu la remboursais, est-ce que cela serait accepté? Elle a répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, jeûne pour ta mère. Si ta mère avait une dette et que tu l'avais remboursée, est-ce que cela serait pris en compte, c'est-à-dire que ta mère ne serait plus endettée. Elle a répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « jeûne pour ta mère ». Autrement dit, jeûne, et en jeûnant pour ta mère ne sera plus redevable de du jeûne. رواه مسلم. المعنى الإجمالي وقع في هذا الحديث روايتان والظاهر من السياق أنهما واقعتان لا واقعة واحدة. فالأولى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها. والرواية الثانية أن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فأفتاهما جميعا بقضاء ما على والديهما من الصوم، ثم ضرب لهما مثلا يقرب لهما المعنى ويزيد في التوضيح، وهو أنه لو كان على والديهما دين لآدم فهل يقضيانه عنهما؟ فقال نعم، فأخبرهما أن هذا الصوم دين الله على أبويهما، فإذا كان دين الآدم يقضى فدين الله أحق بالقضاء. Le sens général de ce hadith. Deux versions ont été rapportées de ce hadith. Et ce qui apparaît du contexte est que ce sont deux situations différentes qui ont lieu et non pas une seule situation. Car dans la première version, c'est un homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la deuxième, c'est une femme. Dans la première version, cela concerne le jeûne d'un mois. Et dans la deuxième, c'est le jeûne d'un feu. Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit, la première, c'est-à-dire version, est qu'un homme est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui informer que sa mère est décédée et qu'elle avait un mois de jeûne à faire. Doit-il le rattraper pour elle? Et dans la deuxième version, c'est une femme qui est venue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui informer que sa mère est décédée et qu'elle avait un jeûne lié à un vœu, doit-elle jeûner pour elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu à tous deux de rattraper le jeûne pour leurs parents. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un exemple afin de leur faire comprendre le sens et que la réponse soit d'autant plus explicite. Et cet exemple que leur a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam est que si leurs parents avaient une dette vis-à-vis d'un être humain, rembourseraient-ils cette dette pour leurs parents? Ils ont répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors informé que ce jeûne est une dette de leurs parents vis-à-vis d'Allah et que si l'on rembourse la dette qu'ils auraient pour un être humain, alors de rembourser la dette d'Allah est encore plus demandé. Ma yu'khadhu min al-hadith. Awalan umumu al-riwayat al-oula tufidu anna al-siyama yuqda ani al-mayyit, sawa'un akana nadhran am wajiban asliya. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, le caractère général de la première version. Car la première version nous montre que le jeûne doit être rattrapé pour le mort. Que ce jeûne soit un jeûne lié à un vœu ou qu'il soit une obligation originelle. Et ici, al-wajib al-asli, c'est le jeûne du mois du Ramadan. Donc dans le hadith, il n'est pas précisé jeûne de vœux ou non. Ma mère est décédée et elle a un mois de jeûne. Et s'il demande, s'il doit rattraper le jeûne pour sa mère, c'est que c'était un jeûne qui était pour elle obligatoire. Et cette obligation doit rester dans son sens général. Elle englobe donc les obligations qui le sont à la base, comme le jeûne du Ramadan, ou les obligations qui ne sont pas obligatoires à la base, comme le vœu, comme on a dit, le vœu, c'est de se rendre obligatoire une chose qui, à la base, ne l'est pas. ثانياً الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت. Deuxièmement, la deuxième version prouve que l'on rattrape le jeûne de celui qui a fait un vœu. On rattrape le jeûne d'un défunt qui a fait un vœu. ثالثاً الظاهر أنهما واقعتان لرجل وامرأة فتبقى كل منهما على مدلولها ولا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على عمومها. Troisièmement, ce qui apparaît de ces deux situations, que c'est une situation qui a impliqué un homme et l'autre une femme. Ainsi, chacune des deux situations doit rester indépendante au niveau des jugements qui en sont déduits. Ainsi, on ne dit pas que ce sont deux versions et que l'on restreint la première par la deuxième. Car on peut dire que la deuxième vient restreindre la première. La première parle d'un jeûne, le jeûne d'un mois, sans donner de caractéristiques de ce jeûne. Et la deuxième version parle du jeûne lié à un vœu. Donc on pourrait dire que la deuxième vient restreindre la première, et donc on comprendrait, en rassemblant ces deux versions, que le jeûne que l'on rattrape, c'est uniquement le jeûne du vœu. Est-ce que vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Non? Ce sont deux situations différentes. Chacune des situations, on en déduit le jugement associé. Dans le premier, on déduit que l'on rattrape le jeûne obligatoire, sans donner de précision. Cela peut être le jeûne du Ramadan, comme cela peut être le jeûne d'un vœu. La deuxième version parle uniquement du jeûne du vœu. Donc, en considérant que ce sont deux situations différentes et que chaque situation a son jugement, on en retient que l'on rattrape le jeûne du défunt, qu'il soit obligatoire à la base ou qu'il soit lié à un vœu. Car si l'on ne considère pas que ce sont deux versions, deux situations différentes, mais que ce sont deux versions dont l'une explique l'autre, on pourrait déduire que la deuxième vient restreindre la première, et donc que l'on ne rattrape que le jeûne lié à un vœu. Est-ce que c'est plus clair ? طيب. رابعاً عموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله والتي للخلق والواجبة بنذر والواجبة بأصل الشرع بأنها كلها تقضى عن الميت وهذا ما حكاه شيخنا عبد الرحمن آل سعدي عن تقي الدين ابن تيمية رحمهما الله تعالى. Il dit رحمه الله, quatrième chose qu'on retient de ce hadith, c'est que ce hadith englobe l'ensemble des dettes. Les dettes qui sont dues à Allah ou qui sont dues à ses créatures. Celles qui sont obligatoires par un vœu ou celles qui sont obligatoires à l'origine. Toutes ces dettes doivent être remboursées pour le défunt. Donc ici, on ne parle pas que du jeûne, mais de l'ensemble des dettes que tu as vis-à-vis d'Allah ou vis-à-vis des créatures. Et c'est ce qu'a cité Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, qui est, comme on l'a vu, le Cheikh de Abdullah Al-Bassam. Et Cheikh Al-Sa'di apporte cet avis de Cheikh Al-Islam ابن تيمية رحمه الله. خامسا فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال وقد ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم أبلغ وليقربه من أذهانهما فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه وفهمه. Cinquièmement, on retient de ce hadith l'existence de l'analogie. al-qiyas, qui est une des bases de la majorité des savants dans l'argumentation des hadiths. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple à ces deux personnes, un exemple de ce qui est connu chez eux, afin qu'ils comprennent le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait de faire ressembler le lointain au proche permet de mieux comprendre celui-ci. Donc, ici, les savants ont déduit que de ce hadith, on en déduit l'autorisation et que al-qiyas, l'analogie, est une base dans l'argumentation des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des versets. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'analogie. De la même façon que vous rembourseriez les dettes que vos parents avaient envers des personnes, eh bien, de la même façon, vous devez rembourser les dettes qu'ils ont vis-à-vis d'Allah. Donc ici, c'est une analogie. Allah Azza wa Jal a comparé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé deux situations qui se ressemblent pour qu'ils comprennent le jugement. S'ils ont compris la première, eh bien, ils auront compris la deuxième, car le jugement est, est le même. سادسا قوله فدين الله أحق بالقضاء فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق. Sixièmement, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, la dette d'Allah mérite plus d'être remboursée. Il y a dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam une preuve que l'on doit faire précéder la zakat et les droits d'Allah liés au bien lorsque ces droits sont confrontés aux droits des fils d'Adam dans ce qu'a laissé le défunt. Dans ce qu'a laissé le défunt, At-Tarika. Et ici, At-Tarika, on pourrait traduire par le capital. Par le capital du défunt. Car tout ce que laisse le défunt n'est pas entièrement héritage. L'héritage qui revient aux héritiers, c'est le capital qu'a laissé le défunt après sa mort en enlevant tout d'abord ce que l'on doit enlever. Et la première chose à enlever, c'est les dettes qu'il a vis-à-vis d'Allah ou vis-à-vis des créatures. Vis-à-vis d'Allah, s'il a une zakat à verser. Vis-à-vis des êtres humains, s'il a emprunté de l'argent à telle ou telle personne. L'on doit également enlever de ce capital laissé par le défunt les frais des funérailles. Les frais des funérailles, le mieux est qu'ils soient à la charge du défunt. Ensuite, on enlève du capital laissé par le défunt, quoi d'autre ? Le testament, ce qu'il a testé. En islam, il est autorisé de tester jusqu'au tiers de ses biens. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Thuluthu kathir » et le tiers est déjà beaucoup trop. Ou le tiers est déjà beaucoup. Donc si le défunt a testé un bien ou une somme d'argent à une tierce personne, à condition que cette personne ne soit pas l'un de ses héritiers, car le prophète a dit « La wasiyata li warith » point de testament à l'héritier. L'héritier, sa part est déjà définie dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le défunt ne peut pas tester, ne peut pas donner une chose, un bien à l'un de ses héritiers. Par contre, s'il donne à une tierce personne qui ne fait pas partie de ses héritiers, cela est autorisé à hauteur du tiers. Et ce n'est qu'après que toutes ces choses soient déduites que les héritiers se partagent ce que l'on appelle maintenant l'héritage. D'accord. Et ici, pour cela que Cheikh Al-Bassam a dit « Tarikat al-mutawaffa ». Il n'a pas dit l'héritage du défunt, mais il a dit ce que le défunt a laissé. Lorsqu'il y a conflit entre le droit d'Allah et le droit de ses serviteurs, le défunt a laissé une somme d'argent. Cette somme d'argent ne suffit pas à tout rembourser. Soit il rembourse sa zakat, soit il rembourse sa zakat qui est un droit d'Allah. Ou soit il rembourse une dette dont il est redevable vis-à-vis d'une créature. Ici, les savants ont dit que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dette d'Allah est plus à même à être remboursée. Ils disent que l'on fait précéder les droits d'Allah devant les droits des êtres humains. Et d'autres savants ont dit que les droits d'Allah et les droits de ses serviteurs sont au même niveau, sont égaux. Wallahu a'lam. Est-ce que c'est clair ? Thumma qala al-mu'allif rahimahullah al-hadith at-tasi'u wath-thamanun ba'da al-mi'ah. Le 189e hadith. An Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر رواه البخاري ومسلم وأخروا السحور رواه أحمد في المسند من حديث أبي ذر بسند ضعيف. Le 189e hadith, selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi رضي الله عنه, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils précipiteront la rupture, c'est-à-dire du jeûne, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et qu'ils retardent le suhur, le repas du matin. Et cette version est rapportée par l'imam Ahmed dans son Musnad, et sa chaîne de transmission est faible. Et min bab al-fa'ida, il y a un hadith authentique qui prouve que les gens seront dans le bien tant qu'ils retardent le sahur. Donc ici, tant qu'ils précipitent la rupture, on a dit que ce hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'autre version est qu'il retarde le sahur, elle est rapportée par l'imam Ahmed, selon Abu Dhar, via une chaîne de transmission faible. Mais il y a un hadith qui a authentifié à Cheikh l'Albani, rahimahullah, dans Sifatu Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna ma'ashir al-anbiya umirna bi thalath » Nous, les prophètes, nous ont été ordonnés trois choses. بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. Il nous a été ordonné de précipiter la rupture, c'est-à-dire du jeûne, de retarder le suhur et de placer nos mains droites sur nos mains gauches pendant la prière. المعنى الإجمالي. الشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ووقتها عن غيره ليتبين النظام والطاعة في امتثال أوامره والوقوف بها عند حدودها ولذا فإنه لما جعل غروب الشمس هو وقت إفطار الصائم حثه على مبادرة الفطر عند أول ذلك الوقت وأخبر أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر لأنهم بذلك يحافظون على السنة، فإذا أخروا الفطر فهو دليل على زوال الخير عنهم لأنهم تركوا السنة التي تعود عليهم بالنفع الديني وهو المتابعة والدنيوي الذي هو حفظ أجسامهم وتقويتها بالطعام والشراب اللذين تتوق أنفسهم إليهما. Leçon générale de ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala incite ses serviteurs à distinguer les adorations ainsi que les moments dans lesquels elles sont accomplies, afin que l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala soit apparente et que l'on s'arrête aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah azawajal a défini le coucher du soleil comme étant l'heure dans laquelle le jeûneur rompt son jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé le jeûneur à s'empresser de rompre son jeûne dès l'entrée de cette heure, à savoir le coucher du soleil. Et il a informé, sallallahu alayhi wa sallam, que les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils précipiteront la rupture de leur jeûne, car en faisant cela, ils protégeront la sunnah. Et s'ils retardent la rupture de leur jeûne, cela sera alors une preuve que le bien a été ôté d'eux, car ils auront délaissé la sunnah qui leur apporte le bien religieux qui réside dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le bien également mondain qui est de préserver les corps et de les renforcer par la nourriture et la boisson que les corps recherchent. Donc de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam apporte un bien religieux, de précipiter la rupture du jeûne apporte un bien religieux et mondain. Religieux, car tu auras suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mondain, car tu te seras renforcé. Car le jeûneur, à la fin de la journée, ressent de la fatigue, de la faim, de la soif. Ainsi, le fait de boire et de manger permet à son corps de reprendre des forces le plus rapidement possible au moment où cela lui est autorisé. ما يؤخذ من الحديث: اولا استحباب تعجيل الفطر اذا تحقق غروب الشمس برؤيه او خبر ثقه. Premièrement, on retient de ce hadith qu'il est recommandé de s'empresser à rompre son jeûne lorsque le coucher du soleil est constaté par la vue ou lorsque il est constaté par l'information d'une personne digne de confiance. ثانيا إن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله وزوال الخير عمن أجله. Deuxièmement, de s'empresser à rompre le jeûne est une preuve qu'il y a du bien dans celui qui se précipite à le faire, et que le bien est ôté de celui qui retarde la rupture du jeûne. ثالثا الخير المشار إليه في الحديث هو اتباع السنة مع أنه من محبوبات النفوس. Troisièmement, le bien qui est voulu dans ce hadith, c'est de suivre la sunnah, même si cela fait partie des choses qui sont aimées par la personne. Est-ce que le jeûneur aime boire et manger? Oui ou non? Oui. Et le hadith le prouve. Les sa'imi فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. le jeûneur a deux moments de joie. Le premier moment de joie, c'est au moment où il rompt son jeûne. Et le deuxième, lorsqu'il rencontre son Seigneur. Donc, de boire et de manger, c'est quelque chose que le jeûneur aime et désire. Et malgré cela, le fait qu'il s'empresse à faire, à boire et à manger, eh bien, le bien dans cela est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait dans cela un bien, car il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en plus de cela, c'est quelque chose qu'il désire et qu'il souhaite. Donc que demande le jeûneur de plus que de s'empresser à faire une chose qu'il désire, et en plus de s'empresser à le faire est une sunna qui lui apporte un bien. رابعا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإن تأخير الإفطار عمل به الشيعة الذين هم إحدى الفرق الضالة وليس لهم قدوة في ذلك إلا اليهود الذين لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم. Quatrièmement, que ce hadith est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car de retarder la rupture du jeûne, les chiites, qui font partie des sectes égarées, sont ceux qui mettent en œuvre cela, sont ceux qui retardent la rupture du jeûne. Et ils n'ont d'autres exemples où les chiites ne suivent dans cela que les juifs qui ne rompent leur jeûne que lorsque les étoiles apparaissent. Les juifs font la rupture de leur jeûne que lorsque les étoiles apparaissent, c'est-à-dire lorsque la nuit est tombée et lorsque le ciel est bien noir de telle sorte que les étoiles apparaissent et soient visibles. الحديث التسعون بعد المئة, le 190e hadith. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. Le 190e hadith, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la nuit apparaît de tel côté et que le jour disparaît de tel côté, alors le jeûneur peut rompre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a un terme que Al-Hafid ibn Ghani Al-Maqdisi rahimahullah n'a pas cité dans ce hadith, malgré qu'il soit rapporté dans le Bukhari Muslim, qui est la parole du prophète sallam: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس. Est-ce que vous l'avez, وغربت الشمس? Vous pouvez le rajouter. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Donc entre وأدبر النهار هنا et فقد أفطر الصائم, il faut rajouter وغربت الشمس. Et c'est cette version qu'il faut apprendre, car c'est la plus complète et elle est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, donc elle entre dans les conditions que s'est fixé Al-Hafid ibn Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, qui cite dans son livre Umdatul Ahkam des hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim ou rapportés par l'un des deux. Donc lorsque la nuit arrive par cet endroit et que le jour s'en va par cet endroit et que le soleil se soit couché, alors le jeûneur peut rompre. Al-ma'na al-ijmali. Et bien sûr, dans la parole du prophète sallam, إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْهَا هُنَا. Lorsque la nuit arrive par cet endroit. L'endroit ici, c'est non. Lorsque la nuit arrive par cet endroit. La nuit, elle arrive. De quel endroit? Par l'est ou par l'ouest? Par l'est. وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا. Et que le jour s'en va par cet endroit qui est l'ouest. Car le soleil se couche à l'ouest. Donc, plus le soleil se couche et plus le jour s'en va. Et plus le jour s'en va et plus la nuit apparaît de l'autre côté, à savoir l'est. Le sens général du hadith. تقدم أن وقت الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولذا فقد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه إذا أقبل الليل من قبل المشرق وأدبر النهار من قبل المغرب بغروب الشمس فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي له تأخيره عنه بل يعاب بذلك امتثالا لأمر الشارع وتحقيقا للطاعة وتمييزا لوقت العبادة عن غيره وإعطاء للنفس حقها من متع الحياة المباحة. Le sens général du hadith. Il a été cité précédemment que l'heure du jeûne légiféré commence de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé sa communauté que lorsque la nuit apparaît du côté de l'est et que le jour disparaît du côté ouest par le coucher du soleil, alors le jeûneur entre dans l'heure de la rupture. Et il ne lui est pas permis de retarder ce moment. On lui fait même un reproche s'il fait cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordonne. Et en précipitant sa rupture du jeûne, eh bien, le musulman obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et différencie les adorations de leur horaires. Quand tu fais une adoration à son heure, eh bien, tu distingues les adorations les unes des autres. Tu distingues les adorations des unes des autres. Et tu donnes à ton âme son droit qui est de jouir de cette vie d'ici-bas de façon autorisée. Ma yukhadu min al-hadith. أولا استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. On retient de ce hadith premièrement qu'il est préférable de s'empresser à rompre son jeûne lorsque le coucher du soleil est avéré. On a vu qu'il peut être avéré soit par une constatation visuelle ou par l'information d'une personne digne de confiance. ثانيا أنه لابد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار فإن مجرد الظلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس معناه إقبال الليل فإن إقبال الليل حقيقة مقارن لإدبار النهار فهما متلازمان. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'il faut obligatoirement qu'il y ait l'apparition de la nuit accompagnée de la disparition du jour. Il faut que l'apparition de la nuit soit accompagnée de la disparition du jour pour rompre le jeûne. Car les simples ténèbres qui apparaîtraient à l'est alors que le soleil est présent à l'ouest, cela n'est pas considéré comme l'apparition de la nuit. Les ténèbres que l'on verrait côté est, alors que le soleil n'est pas encore couché, cela n'est pas considéré comme l'apparition de la nuit côté est. Car l'apparition de la nuit véritable est associée avec la disparition du jour. Ce sont donc deux choses qui sont liées les unes aux autres. Car il est possible que, par exemple, côté ouest, le soleil soit caché par une montagne. Et que tu aies l'impression que le jour est en train de disparaître côté ouest. Or, il ne disparaît pas, mais il est simplement caché par une montagne. Donc, c'est un cas qui peut arriver, d'où la précision qu'a cité Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, qu'il doit y avoir les deux choses absolument réunies. ثالثا قوله فقد أفطر الصائم يحتمل معنيين إما أنه أفطر حكما بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرا ويكون الحث على تعجيل الفطر في بعض الأحاديث معناه الحث على فعل الإفطار حسا ليوافق المعنى الشرعي وإما أن يكون دخل في وقت الإفطار كما تقول أنجد لمن دخل نجدا وأتهم لمن دخل تهامة ويكون الحث على تعجيل الفطر على بابه وهذا أولى ويؤيده رواية البخاري فقد حل الإفطار. Donc là, écoutez bien. Soyez attentifs sur cette troisième chose que l'on retient de ce hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faqad aftara as-sa'im » Lorsque la nuit apparaît par ici, c'est-à-dire par l'est, et que la journée et que le jour s'en va par ici, c'est-à-dire par l'ouest, « Faqad aftara as-sa'im » Alors le jeûneur a rompu. Ici, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut la comprendre de deux façons. On peut la comprendre premièrement que le jeûneur a rompu, c'est-à-dire qu'il a le jugement de celui qui a rompu, même si il ne consomme pas de nourriture ou de boisson, ou même s'il ne fait pas ce qui annule son jeûne. Et ainsi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour encourager à rompre son jeûne, se comprendrait par s'empresser à faire de façon concrète ce qui correspond au jugement juridique. Est-ce que vous avez compris ? Ici, on pourrait comprendre ce hadith comme étant lorsque l'heure de la rupture arrive, le jeûneur est considéré comme avoir rompu son jeûne. Car l'heure est arrivée. Donc, il n'est plus jeûneur. Même s'il n'a pas mangé, ni bu, ni avoir eu un rapport avec son épouse. Et ainsi, comment comprendre alors la parole du professeur Asselem, dans les autres hadiths, de s'empresser à faire la rupture, si le jeûne est déjà rompu? Dans cette première compréhension, on comprendrait les autres hadiths comme étant « Empressez-vous de faire concrètement, de faire coïncider de façon réelle le jugement juridique qui est présent, à savoir que vous avez rompu votre jeûne. Donc, empressez-vous à le rompre de façon matérielle pour que le jugement que vous avez coïncide. Est-ce que c'est clair ? La deuxième compréhension est que c'est l'heure de la rupture qui est arrivée. Comme tu dis, Anjada liman dakhala najda. Quelqu'un qui rentre à Najd, tu dis Anjad. Quelqu'un qui rentre à Tahama, tu dis Athama. Et ici, l'encouragement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à rompre le jeûne serait de rompre le jeûne dès que l'heure autorisée entre. Et c'est ce deuxième avis qui est appuyé par une autre version de Al-Bukhari dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faqad halla al-iftar ». lorsque la nuit arrive par ici, c'est-à-dire par l'est, et que le jour s'en va par ici, c'est-à-dire par l'ouest, alors la rupture est autorisée. فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارِ. La rupture est autorisée, autrement dit, l'heure légale dans laquelle vous pouvez rompre votre jeûne et alors entrer. Empressez-vous donc de le rompre. رَابِعًا يَنْبَنِي عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيْنِ حُكْمُ الْوِصَالِ. فإن قلنا معنى فقد أفطر الصائم أفطر حكما فالوصال باطل لأنه لا يمكن، وإن قلنا معناه فقد دخل في وقت الفطر فيكره مع اقترانه بالنهي عن الوصال. Quatrièmement, de ces deux sens que l'on peut comprendre de ce hadith en découle le jugement de l'wisal. Qu'est-ce que le jugement de l'wisal? Qu'est-ce que l'wisal? C'est le fait de jeûner deux jours consécutifs. De jeûner au moins deux jours consécutifs, c'est-à-dire de ne pas rompre son jeûne au moment où il faut le rompre, mais de jeûner au moins deux jours consécutifs, voire plus. Et l'on verra, inshallah ta'ala, la semaine prochaine, le hadith sur al-wisal. Si l'on considère la première compréhension du hadith, le jeûneur a alors rompu son jeûne, c'est-à-dire que son jeûne est interrompu, même s'il n'a pas fait ce qui l'interrompt. Alors, dans ce cas, al-wisal est nul et il n'est pas possible. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire de wisal, car lorsque l'heure rentre, ton jeûne est annulé. Donc, on ne peut pas faire de wisal. Et si l'on considère le deuxième avis, alors son sens est que lorsque l'heure autorisée pour rompre son jeûne entre, et dans ce cas, il est détestable de faire al-wisal, comme on le verra la semaine prochaine, inshallah ta'ala, avec bien sûr des restrictions et des exceptions à cela. On actifie bi hadha al-qadr, wa subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك. Et donc le prochain cours a lieu mardi inchallah ta'ala à 20h30 avec l'explication du tafsir de Cheikh Sa'di rahimahullah, et on entamera l'explication de sourate Al-Mumtahana. Wa barakallahu fikum.